The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Room. La chambre. To overlook. Donner sur. View. Vue. Balcony. Le balcon. To check. Vérifier. Reservation. La réservation. Hotel. L'hôtel. Full. Complet. Suite. La suite. Supplement. Le supplément. To refuse. Refuser. To look for. Chercher. Now, a bit faster. Balcony. Le balcon. To check. Vérifier. To refuse. Refuser. To overlook. Donner sur. Supplement. Le supplément. To look for. Chercher. Hotel. L'hôtel. To check. Vérifier. Room. La chambre. Full. Complet. Balcony. Le balcon. To look for. Chercher. To overlook. Donner sur. View. Vue. To look for. Chercher. Reservation. La réservation. To check. Vérifier. Reservation. La réservation. Balcony. Le balcon. To refuse. Refuser. Room. La chambre. Suite. La suite. Reservation. La réservation. Hotel. L'hôtel. To look for. Chercher. Balcony. Le balcon. Now, use the words in context. Donner sur. The kitchen faces the garden. La cuisine donne sur le jardin. Vérifier. I checked the time of your flight. You leave at 6:00. J'ai vérifié lors de ton vol. Tu pars à 6:00. Le supplément. You have to pay extra to get that service. Pour obtenir ce service, il faut payer un supplément. Refuser. He refused to pay and they called security. Il a refusé de payer et ils ont appelé la sécurité. Chercher. He's in the drawing room. I'll go get him. Il est dans le salon. Je vais le chercher. Vérifier. I checked the time of your flight. You leave at 6:00. J'ai vérifié lors de ton vol. Tu pars à 6:00. Le supplément. You have to pay extra to get that service. Pour obtenir ce service, il faut payer un supplément.